jou mwen leve, mwen mache, mwen trouve sa la vie ka vin pote. Anja vivan ghetto, anja vivan dalo. Tous les jours se mise ka koule kon rivye. Ouveze poupe sa wekle, mare re poupe sa vin jambe. Anja joue mizik pou yon de sou. A pa pou sa mwen ja vini pli fou. De haut roi qui j'avine fou. Parce que yo vini gagne des sous. Attention. Prépare ou, prépare ou doudou. Parce que au soir là, nous que fayon ti sorti. Formete des belles anneaux, un bel paire soulier et un bel petit robe moulant. Bise ça. Anti Martiniquez là, anti Guadeloupéen là. Aïe, faut sentir vous voulez parler, oui, faut sentir vous voulez parler. Anti Guadeloupéen là, anti Martiniquez là. Aïe, faut sentir vous voulez causer, oui. Goudou sex. En bas coco là, toute la soirée. En bas coco là, en bas coco là, toute la soirée. En bas coco là, en petit zouk serré, pour pas jamais décoller. Bon soirée très habillé, même si ou en bas coco là. Kebe mwen pli fort et soulager kayen mwen si yon ni a jap kwa. Attention. On besoin accélérer, accélérer l'amour pour mwen. On besoin accélérer, accélérateur ou plancher pour mwen. On besoin accélérer, accélérer la vie pour mwen. Accélérer, accélérateur ou plancher. Avle un mer lundi, avle un mer mardi, avle un mer aussi. La vie pour nous peut sa monter. Avle un mer jeudi, avle un mer samedi. Faut d'air comprendre d'où, où c'est tout rêve en moi. Bise là. A la douce passe si haut, a la douce passe si haut, a la douce passe si haut, a la douce passe si haut, a la douce passe si haut, a la douce passe si haut, a la douce passe si haut.